Mercedes-Benz. Alors, cette annonce Mercedes ? Elle a l'air super. Je l'ai vue 3 fois, pris 200 photos, écouté le moteur, envoyé le carnet d'entretien à mon cousin garagiste et j'ai lu tous les avis sur Internet. Ah ouais, quand même. Eh ben, ça fait 2 mois que j'y suis. Et toi, t'as fait comment ? Moi, je l'ai acheté chez mon distributeur Mercedes. Il y a ceux qui se rassurent et ceux qui sont sûrs. Les véhicules d'occasion du réseau Mercedes-Benz sont entretenus par nos experts et garantis 2 ans. N'attendez pas pour repartir avec la Mercedes de vos rêves. Rendez-vous sur occasion-mercedes.fr. Premier temps d'une série de la Fabrique de l'Histoire sur la fin de la Première Guerre mondiale, à l'ombre de la guerre. Aujourd'hui, la guerre continue à l'est de l'Europe et de la Méditerranée. Demain, nous évoquerons le rôle symbolique de cette Première Guerre mondiale, dans cette Première Guerre mondiale, de la ville de Reims, où se trouvera le président de la République, d'ailleurs, en pleine itinérance mémorielle dès demain. Mercredi, nous nous demanderons comment cette Première Guerre mondiale a été vécue par les enfants. Et jeudi, le documentaire d'Olivier Chomel et Thomas Duterre nous présentera la figure d'un pacifiste des années 30, Gérard Le Retour, fortement impressionné, justement, par cette Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, me direz-vous, eh bien, nous allons nous souvenir que la guerre a bien continué après le 11 novembre 1918. Mais sur d'autres théâtres d'opérations que l'ouest de l'Europe, en Cilicie, en Pologne, en Arménie ou encore sur la mer Noire, avec deux invités qui viennent du musée de l'armée, qui ont organisé l'exposition à l'est La guerre sans fin 1918-1923, qui sera au cœur de cette émission. Karine Lachèvre, elle est co-commissaire de cette exposition, et Ariane James-Sarrazin, directrice adjointe du musée de l'armée. Et nous avons également avec nous, qui nous a rejoint, Didier Sapeau. Il a co-écrit avec Cédric Grua un film qui paraîtra mercredi sur les antennes de France 3, mercredi à 22h30, Les Oubliés de la Victoire, l'Odyssée des soldats d'Orient. Vu du front de l'Ouest, et surtout du point de vue de la France et de l'Empire britannique vainqueur dans la Grande Guerre, ce conflit se termine bel et bien le 11 novembre 1918. Mais si on se déplace le point de vue, alors la réalité est bien plus complexe, et notamment du point de vue de l'Europe de l'Est et de ce Proche-Orient qu'à l'époque on appelle souvent le Levant. À l'Est, en 1918, la guerre se transforme. Il s'agit donc avec l'écroulement non plus seulement de l'Empire russe, mais aussi de l'Empire austro-hongrois et de l'Empire ottoman. Il s'agit de multiplication de luttes ethniques, de luttes pour ces États-nations naissants qui seront l'avenir pour le bien et le mal de l'Europe au XXe siècle. Donc une guerre très importante, très violente, qui continue jusqu'en 1923. Voilà un extrait de la bande-son, car il y a des bandes-son dans les expositions, donc de l'exposition à l'Est, la guerre sans fin, avec celui qui ne pouvait pas ne pas être présent dans cette émission, John Horn, puisqu'il est le président du comité scientifique qui a présidé donc à cette exposition au musée de l'armée. Bonjour Didier Sapeau. Bonjour Emmanuel Laurentin. Merci d'être avec nous pour parler à la fin de cette émission, mais vous pourrez bien entendu intervenir pendant l'émission donc du documentaire que vous avez co-réalisé avec Cédric Grua, donc Les Oubliés de la Victoire, l'Odyssée des soldats d'Orient, qu'on pourra voir sur France 3 mercredi prochain. Bonjour Ariane James-Sarrazin. Bonjour. Merci d'être avec nous, ainsi que Karine Lachèvre. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vous qui avez été la cheville ouvrière, celle qui a conçu avec d'autres justement cette grande exposition du musée de l'armée. Une exposition qui a nécessité un long travail de conviction auprès de toutes les puissances héritières de cette Première Guerre mondiale pour pouvoir faire venir des documents, des objets qui peuplent justement cette exposition qui vient de commencer au musée de l'armée, Karine Lachèvre. Oui, donc on est plusieurs de l'équipe du Musée de l'Armée à avoir travaillé sur cette exposition. 4 commissaires appuyés par un comité scientifique de spécialistes. Et cette exposition ne pouvait pas s'envisager sans partir en mission dans les différents pays dont on traite dans l'exposition pour alimenter en objets, en documents d'archives, cette exposition. Vous n'avez pas regretté à un moment qu'il y ait tant de pays qui soient participants à cette guerre à l'Est, parce que tout de même, il fallait convaincre ces confettis d'empires qui sont devenus tous des nations, tous ou toutes des nations souveraines, de participer à cette exposition et de leur faire une place dans cette exposition qui n'est pas gigantesque non plus. Ça n'est pas une exposition du Grand Palais, donc vous aviez une place qui était relativement limitée. Alors, pour chacune d'entre elles. On a moins de place qu'au Grand Palais, effectivement. On a 600 mètres carrés. Au départ, on est parti avec une liste, je dirais, il devait y avoir 700 objets et documents d'archives. Au final, il en reste 240 dans l'exposition. Au total, on parle de 25 pays. Il a fallu faire des choix de manière à ce que chaque pays soit représenté dans l'exposition d'une manière ou d'une autre. Pour certains, il n'existe plus d'objets. Pour l'Ukraine, par exemple, si vous allez en Ukraine même, les objets ont été en majorité détruits par l'armée rouge. Or, on a une chance, c'est qu'à Paris, on a la bibliothèque ukrainienne Simon Petloura, qui conserve quelques objets, sachant que eux-mêmes, cette bibliothèque qui est située dans le 13e arrondissement de Paris, par exemple, a été privée de ses objets par les Allemands en 40, et a été recréée à nouveau quelques années plus tard avec de nouveaux objets. Voilà, ça c'est un cas précis. Au total, on a 30 prêteurs dans cette exposition, des collections particulières, des musées français, étrangers, des centres d'archives qui ont rendu cette exposition possible. Oui, Ariane Jeanne-Sarrazin, c'est aussi un exercice de diplomatie, de soft power que d'organiser une exposition comme celle-ci, parce que évidemment, ces puissances qui sont nées de la fin de la Première Guerre mondiale ont parfois continué à se faire la guerre, et il y a parfois des susceptibilités qu'il faut savoir ménager quand on est directrice adjointe du Musée de l'Armée comme vous. Tout à fait. D'une certaine manière, ce sont les négociations du traité de Versailles qui se sont rejouées au sein du comité scientifique du Musée de l'Armée. Et c'était pour cela qu'il était très important de garantir notre propos par l'appui d'historiens et notamment par la figure emblématique de John Horn. Mais il est évident que cette exposition va susciter un certain nombre, non pas de revendications, mais en tout cas de questionnements de la part des anciens pays belligérants qui se retrouvent illustrés dans cette exposition. Oui, c'est aussi une des difficultés, Didier Sapot. Vous avez longtemps dirigé le conseil d'administration de l'ECPAD et vous avez donc co-écrit et réalisé donc ce film qu'on va pouvoir voir mercredi sur France 3 sur les oubliés de la victoire, sur ces soldats d'Orient. C'est une des difficultés, effectivement, quand on a à rassembler des documents, et vous, c'était des films pour faire ce film, que de faire comprendre quelle est l'intention du réalisateur ou l'intention du concepteur d'exposition de donner sa part à chacun des pays belligérants sans en privilégier aucun, si on peut. Alors, il se trouve d'abord que nous avons travaillé en coopération avec le Musée de l'Armée et que sur un certain nombre de sujets, nos préoccupations se sont rejointes. D'ailleurs, dans l'exposition, il y a énormément d'extraits audiovisuels qui sont tout à fait passionnants. Et donc, effectivement, cette recherche du matériel audiovisuel a été complexe, aussi bien pour les équipes du Musée de l'Armée que pour nous, pour la production du film. On a trouvé beaucoup de choses à l'ECPAD, puisque effectivement le service cinématographique des armées avait continué à tourner après la fin de la guerre jusqu'en 1920-21, même s'il a été officiellement supprimé en 19. Et puis on a trouvé effectivement un certain nombre de films et de photographies dans les archives de ces pays-là, en Hongrie, en Roumanie, et chose curieuse, dans un coin assez inconnu qui est la Cinémathèque nationale de la République de Macédoine, à Skopje, où il y avait effectivement quelques extraits de films tout à fait passionnants. Et on a expliqué les choses, mais je pense que la mémoire est aussi importante dans ces pays-là. Ils sont à la recherche d'éléments. C'est oui, alors c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, j'imagine que quand on se lance dans une entreprise comme celle que vous avez initiée donc au musée de l'armée autour d'une exposition comme à l'Est de la guerre sans fin, on n'imagine peut-être pas tout le temps qu'il y a, disons, des susceptibilités 100 ans plus tard qu'il faut savoir ménager. En même temps, on sait très bien que pour le front occidental et pour, par exemple, les mutineries de 17, la chanson de Craon ou d'autres moments comme cela, il y a eu les mêmes susceptibilités jusqu'à très récemment et encore maintenant, parfois, dans notre propre pays, Karine Lachèvre. Notre inquiétude finalement était plus avec la Hongrie à cause du traité de Trianon qui encore aujourd'hui est très mal accepté des Hongrois. On sait que Viktor Orban utilise très régulièrement dans ses discours cet exemple du traité de Trianon pour expliquer combien la Hongrie a été amputée d'une trop grande partie de son territoire. Tout à fait, 2/3 du territoire est amputé à la Hongrie, donc pour nous il était évidemment nécessaire de parler de ce pays. Les collections du musée de l'armée ne comportent pas d'objets relatifs à cette histoire. Donc nous avons décidé malgré tout d'aller rendre visite à nos homologues des musées de l'armée et de l'histoire nationale de Budapest. Et cette rencontre a été très intéressante. Ce sont deux musées avec lesquels nous n'avions jamais travaillé, à qui nous n'avions jamais prêté d'objets, qui nous avaient jamais prêté. Donc ça a été une véritable rencontre. Et on a été soumis à un interrogatoire, je dirais, vraiment beaucoup de questions sur l'exposition. Sur le but de l'exposition. Et finalement, après une journée passée avec chacun d'entre eux, ils nous ont dit, écoutez, on vous prêtera ce que vous voulez. Donc on a reçu une liste d'objets et de documents d'archives tout à fait fascinants qui sont présentés dans l'exposition. Un document que j'ai sous les yeux, qui est reproduit dans le catalogue de cette exposition. Vraiment formidable le catalogue, il faut le dire. C'est une affiche en français, donc écrite en français. Français, voudriez-vous signer cette paix, c'est la même que vous voulez imposer à la Hongrie. Et au sommet de l'affiche, il y a une carte de France avec l'équivalent de ce que serait la France si on lui avait amputé la Bretagne, le Sud-Ouest, le Sud-Est, l'Est et le Nord. Et en dessous, donc, de cette carte de France, une carte de la Hongrie nouvelle, voulue donc par le traité de Trianon, donc représentant effectivement toutes les parties du territoire anciennement hongrois qui vont devenir tchécoslovaques, autrichiens, italiens, yougoslaves ou encore roumains. Et tout cela écrit en français pour faire une sorte de propagande au moment des traités de paix pour expliquer combien ça serait une paix inégale qui serait signée avec ce traité de Trianon, Karine Lachèvre. Oui. Alors c'est un document qui est très parlant, il se passe presque de commentaires. Quand on le voit, on comprend tout de suite la situation et il peut rappeler aux Français le cas de l'Alsace-Lorraine par exemple, alors que c'est un cas beaucoup plus minime d'un point de vue territorial par rapport à la France. L'idée aussi de l'exposition, c'est de montrer des documents d'archives qui soient rapidement compréhensibles, et quand on voit ça, on comprend vraiment toutes les frustrations hongroise et qui existe encore aujourd'hui. Ce qui est quand même très intéressant dans cette exposition, c'est qu'il y a beaucoup de documents, beaucoup de costumes de soldats. On est au musée de l'armée, Ariane James Sarrazin, mais il y a aussi beaucoup de cartes. Aussi bien dans l'exposition des cartes anciennes que des cartes nouvelles. Et c'est là où on s'aperçoit l'immense travail de reconstruction qu'a été la période des traités avec des experts, c'est d'ailleurs très bien mentionné dans ce catalogue de l'exposition, des experts et beaucoup de géographes qui ont contribué à dresser des cartes anthropologiques, des cartes linguistiques, des cartes territoriale et militaire pour pouvoir justement redessiner la carte de l'Europe à l'Est à partir de ces traités de 1919-1923. Pour cette exposition, nous avons en effet bénéficié tout d'abord d'un partenariat assez exceptionnel avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui nous a apporté une aide en matière cartographique parce qu'il nous paraissait vraiment essentiel de pouvoir faire pénétrer le visiteur dans les coulisses des traités et de la fabrication de cette nouvelle Europe, puisque 1918 marque la dissolution construction des empires multi-ethniques, qui sont des constructions anciennes pour la plupart, à l'exception de l'Allemagne, mais des constructions volontaristes. Au moment des traités, il s'agit, en conformité avec notamment l'idéalisme wilsonien, de faire émerger le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de reconfigurer cette carte européenne en faisant entrer un certain nombre de facteurs économiques, culturels, religieux, que vont essayer de mettre en œuvre les géographes et notamment Emmanuel de Martonne. Ouais, Emmanuel de Martonne, il faut savoir effectivement qu'il y avait un comité qui avait été mis en place par le gouvernement, je crois que c'était Briand, dans lequel le président de ce comité n'était autre que Ernest Lavisse, et le vice-président, c'était Paul Vidal de la Blache, donc le grand géographe et le grand historien de la Troisième République, Didier Sapot. Oui, on a effectivement ce désir de créer des États qui correspondent à des populations, d'où l'appel aux géographes et à un certain nombre de travaux ethnographiques. Et puis en même temps, il y a la politique de la France. Et la politique de la France, elle est simple. Ça consiste à renforcer la Serbie en l'aidant à créer la Yougoslavie, la Roumanie en l'agrandissant au détriment notamment de la Hongrie et la Tchécoslovaquie, de façon à créer un glacis d'États amis de la France qui prennent l'Allemagne à revers à l'Est. C'est-à-dire que la France déjà se prépare à la résurrection de la puissance allemande et veut, avec la Pologne, qui est un peu plus haut dans le nord de l'Europe, elle veut créer à l'Est un contrepoids à l'Allemagne. Et donc on a cette tension entre l'idéalisme wilsonien, dont on vient de parler Ariane Jamsarinzin, et puis la politique française. Et la politique anglaise qui, elle, ménage voilà. L'équilibre, le sacro-saint équilibre européen. Et puisque vous évoquiez justement cette Serbie, qui va donc participer à la création de la Yougoslavie, une archive de 1938. Nous sommes le 4 mai 1938 et ça se passe chez vous, on pourrait dire, ça se passe dans la cour des Invalides, la remise de décoration au Poilu d'Orient. Dans la cour des Invalides, une prise d'armes a lieu. Trois drapeaux français se dressent au milieu de la cour d'honneur des Invalides. Ce sont celui de la région parisienne des Poilus d'Orient, celui du 242e régiment d'infanterie, et enfin, à côté d'eux, l'étendard des Burnous, association des anciens Spahis. Ces drapeaux vont être décorés de la cravate de commandeur de la couronne royale de Yougoslavie par son excellence Kuric, ministre plénipotentiaire de Yougoslavie à Paris. Alors là, il faut peut-être rentrer dans le cœur du débat. Qui sont ces Poilus d'Orient, Karine Lachèvre et Didier Sapot? Qui sont-ils et comment sont-ils arrivés justement à se retrouver du côté de la Yougoslavie et dans tous ces Balkans où ils vont combattre Didier Sapot? Bon, alors l'origine, évidemment, c'est la fameuse opération des Dardanelles, donc à l'initiative notamment de Churchill, ministre de la Marine, et donc une flotte franco-britannique se dirige vers le détroit des Dardanelles pour essayer de... Ça se passe pas très bien. Et ça se passe pas bien. Et donc, du coup, comme ça se passe pas bien, il faut s'en aller vite fait. Le point d'ancrage, le point d'arrivée de ces troupes qui ont été défaites, c'est le port de Salonique. Mmh. Donc, dans un pays neutre, qui est la Grèce. Et à partir de là, effectivement, non seulement les troupes ne vont pas simplement séjourner, elles vont rester, mais elles vont créer un nouveau front qui va donc s'opposer aux Turcs, aux Bulgares et aux Austro-Hongrois. Un front dont on a l'écho cinématographique par le capitaine Conan, donc le film de Bertrand Tavernier tiré du roman de Roger Vercel. Notamment, et par pas mal de films anglais sur Gallipoli, puisqu'eux, ils n'appellent pas ça les Dardanelles, ils appellent ça Gallipoli. Qui sont ces soldats d'Orient? C'est d'abord une armée interalliée, c'est-à-dire ce sont des Français, des Anglais, un peu d'Italiens, des Grecs et des Serbes. Et du côté français, du côté britannique d'ailleurs, c'est une armée coloniale. C'est-à-dire que l'armée britannique comporte beaucoup d'hindous et l'armée française comporte beaucoup de spahis, de tirailleurs sénégalais et de troupes maghrébines. Et d'ailleurs, un de nos témoins qu'on verra dans le film raconte plaisamment que 2 ans de front en Serbie lui ont appris non pas le serbe, mais il a appris le wolof et le bambara. Mmh. Et donc, c'est cette armée coloniale, effectivement, qui va séjourner de très longues années en Orient. Et donc, effectivement, avec une figure qui sera une figure héroïque que l'on retrouve dans votre exposition, Karine Lachève, la figure de Franchet. Alors, Després, on dit, moi j'ai toujours dit Franchet d'Espéré, mais je crois qu'on dit Franchet Després, en tout cas dans les archives, c'est comme ça qu'on l'appelle. Maréchal, il sera maréchal après la fin de la Première Guerre mondiale, mais c'est un général qui s'est illustré d'abord au moment de la bataille de la Marne, qui ensuite a été sanctionné par Clémenceau en 1918 et qui va être nommé sur ce front d'Orient, maréchal en chef, donc général en chef, au printemps 1918, Karine Lachèvre. Oui, il va être nommé, effectivement. Il va mener les combats pendant plusieurs mois et finalement, à la fin de la guerre, en 1918, va repartir sur Odessa et Sébastopol, où finalement, par manque de moyens économiques et d'orientation politique, au bout de 5 mois, va retourner en France avec ses soldats. C'est une armée qui est restée plus longtemps, qui rentre plus tard que les soldats qui sont battus sur le front d'Occident, avec un manque de reconnaissance par le gouvernement français. Et oui, ça, il faut l'expliquer, même si la reconnaissance est donnée en 1956. Pour le centenaire du maréchal Franchet Després. Il est déjà évidemment mort depuis longtemps, mais la maréchale est encore présente à cet hommage qui lui est rendu. Et imaginez-vous, c'est dans la cour des Invalides. La France a célébré le centenaire de la naissance du grand soldat que fut Franchet Després. À l'étoile, le président de la République, entouré du ministre de la Défense nationale, de la maréchale et de sa fille, a commémoré cet anniversaire. Feuilletons quelques images. Voici en 1917, le général s'entretenant avec Guynemer sur le front des Flandres. Voici en 18, sur le front d'Orient, Franchet Després accueilli par les riverains du Vardar. C'est de là que devait partir l'offensive victorieuse qui porta les alliés sur le Danube. Franchet Després, un grand soldat. Un grand soldat qui est au cœur de votre documentaire, Didier Sapo. Un soldat puni, c'est comme ça que vous le présentez en tous les cas, par la direction très ferme de Clémenceau, qui, dites-vous, et c'est vrai, c'est ce qui a été redit très régulièrement, ne considère pas ce front de l'Est de l'Europe comme étant un front essentiel. Ce qui compte pour lui, c'est le front occidental. Alors, d'abord, l'expédition des Dardanelles et l'installation à Salonique sont le fait de Aristide Briand. Donc déjà, ce simple élément suffit à mécontenter Clémenceau. Celui-ci est très critique en 1916-1917 sur l'évolution du front d'Orient. Et donc, à la fin de la guerre, au moment où il devient président du Conseil, il soutient d'une certaine façon la poursuite des opérations sur le front d'Orient. Mais évidemment, pour lui, ça ne peut pas être le front principal, c'est clair. Et donc, il mesure quand même les efforts que fait l'armée pour envoyer du matériel, des hommes, etc. Par contre, il a une certaine estime pour Franchet Després, c'est-à-dire qu'il l'a sanctionné en lui retirant son commandement après la bataille du Chemin des Dames, la seconde, celle de 1918, pas la première. Mmh. Mais il lui donne quand même cette fonction de commandant en chef interallié. Et donc, il s'en est d'ailleurs défendu dans ses mémoires, Clémenceau. Il s'est défendu d'avoir eu quelque acrimonie vis-à-vis du général. Et au contraire, il s'est félicité, mais a posteriori, de lui avoir donné ce commandement. Et puis, il faut dire que Franchet Després va faire une offensive que personne n'attend véritablement. Il va percer le front, dépasser du côté de la Macédoine en passant par-dessus les montagnes, dépasser les troupes qui lui sont opposées. l'idée, et ça va faire de lui un héros de la guerre, Karine Lachèvre, ou Didier Sapot. Oui, alors cette offensive est tout à fait remarquable, puisque ça consiste à lancer les troupes dans les montagnes. C'est une offensive franco-serbe. Beaucoup est dû aussi au régent Alexandre, au futur Alexandre Ier. Mais c'est effectivement une des figures éminentes de la Première Guerre mondiale, dont on parle quand même relativement peu. Et je pense que sa place dans l'exposition était tout à fait intéressante. Oui, et d'ailleurs, on en parlait encore dans un témoignage en 1968 d'un ancien poilu d'Orient, Louis Cordier. Il était donc parmi ceux qui étaient interrogés sur le souvenir qu'ils avaient 50 ans plus tard de cette Première Guerre mondiale par la RTF. Un petit problème technique, donc, puisque le son de Louis Cordier ne passe pas pour l'instant, on va pouvoir le réécouter d'ici peu. Ariane Gemsarrazin, qu'est-ce qui explique selon vous que cette guerre à l'Est, qui est multiforme, qui prend des aspects très différents de contre-révolution, de révolution, de contre-révolution, d'identité nationale en affirmation, qu'est-ce qui explique que cette guerre à l'Est soit encore aujourd'hui assez méconnue chez nous et qu'on est toujours en tête quand on parle de Première Guerre mondiale et Verdun et le chemin des dames qui vient d'être cité ou encore la Somme? Eh bien, je pense que le 11 novembre 1918, psychologiquement, a représenté pour la France et la société civile française une page qui se tournait et tout le monde voulait oublier très très rapidement ce qu'avaient été ces 4 années de combat pour se concentrer sur la paix et la reconstruction. D'où le sentiment d'ailleurs des soldats de l'armée d'Orient dont parlait Didier Sapot d'avoir été injustement oubliés. Finalement, ce front, ces différents fronts ouverts à l'Est étaient très éloignés des préoccupations des Français, cela explique qu'on les ait relativement oubliés. Oui, et donc on a le témoignage de Louis Cordier, recueilli en 1968 sur ce front justement d'Orient. Mon cher Louis Cordier, je vous donne la parole pour nous raconter l'action de cette division et la vôtre même. Mon ami André Ducasse a fait beaucoup d'honneur aux coloniaux en les citant seuls comme parmi ceux qui ont le mérite de la victoire. Mais cette rupture du front de Macédoine, qui a eu des conséquences si décisives, implique les vertus militaires de bien des gens. Et d'abord, il faut mettre en avant la conception de Franchet-Desprez, qui fut le premier à envisager un succès décisif, car il ne faut pas hésiter à le dire, ses prédécesseurs, ni le général Sarail, ni le général Guillaume, n'avait envisagé le but qu'il s'est fixé et qu'il a atteint. Le Dobropolié fut le champ de bataille français le plus élevé de la guerre de 14-18. Comparons rapidement avec les altitudes du Lingekopf ou de l'Hartmann en Alsace, la moyenne des lignes dans la Moglena, qu'on appelle couramment le Dobropolié, était de 1800 mètres d'altitude. C'était un mur à 4 km de distance. La vallée de la Moglenitsa, au sud, cotait 300 mètres, et les tranchées étaient à 1825, 1875 mètres d'altitude. Les Serbes de la deuxième armée étaient accrochés là, le feu sur la tête et le vide derrière les talons, depuis 2 ans, à la merci d'une poussée germano-bulgare dans le gouffre, en somme. Ils n'avaient rien derrière eux qui ait pu les retenir. On demeure confondu lorsqu'on imagine l'audace du plan de Franchet-Desprez, décidant d'attaquer dans un point aussi risqué, avec aucune route derrière et à la merci d'une contre-attaque ennemie. Or, il a conquis tout de suite l'adhésion des Serbes, qui, comme le dit l'un d'eux, le général Kalafatovic, chef du 3e bureau, « Cette fois, nous n'irons pas seuls à l'abattoir ». Voilà, c'est ce que disait donc Louis Cordier en 1968, 50 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, donc interrogé par la RTF, lui, un ancien poilu d'Orient. Il y a eu beaucoup de morts sur ce front oriental. Juste un mot à propos du Dobropolye, donc qui est la plus haute montagne, celle qui a été gravie par les soldats pour attaquer les Bulgares. Si on cherche dans Paris la rue du Dobropol, on trouvera une toute petite rue derrière la porte Maillot, qui est à côté de la rue des Dardanelles. Mais enfin, c'est quand même effectivement... Il y a une certaine cohérence géographique. Tout à fait symbolique que le Dobropol ne soit célébré que par cette modeste rue du 17e arrondissement. Oui, il y a eu 50 000 morts dans la période, disons, 1915, 1921-22. Voilà, on n'a pas de chiffres exacts. Il manque encore beaucoup de choses sur le front d'Orient, mais c'est ce qu'on peut dire, c'est-à-dire 50 000 morts sur les 600 000 qui ont combattu là-bas. Ce qui est assez extraordinaire dans l'exposition que vous avez coordonnée avec d'autres, Karine Lachèvre et Ariane James-Sarrazin, à l'Est, la guerre sans fin, au musée de l'armée, qui vient de commencer, c'est qu'on imagine ce qu'on appellerait aujourd'hui l'ingénierie territoriale, qui a été nécessaire pour pouvoir concevoir cet immense plan de redécoupage de l'Europe, mais de redécoupage du Levant, redécoupage de tous les anciens empires, et le nombre de gens qui ont été mobilisés autour d'un projet gigantesque et même démiurgique, pourrait-on dire, recréer une nouvelle Europe et un nouvel Orient à partir de la fin de la Première Guerre mondiale. Et ça, c'est très présent dans votre exposition, même si vous accordez une place, disons, petite à chacun des pays qui sont concernés, parce que vous n'avez pas la place de tout exposer, on voit bien combien de gens ont été investis dans ce projet démentiel de recréer une carte nouvelle. Karine Lachèvre. Alors, on parlait tout à l'heure du comité des experts, et c'est un comité qui était une demande politique, qui réunit plusieurs spécialistes, des géographes, des ethnologues, des historiens, et qui vont se comité réunir... Comité des experts, pas pour l'exposition, mais des comités... Le comité des experts qui se réunit entre 1917 et 1919, voilà, et qui se réunit à 47 reprises, et chaque spécialiste d'une région va remettre des mémoires sur des préconisations, sur des nouveaux tracés de frontières par rapport à des considérations linguistiques, religieuses, ethnographiques. Or, ce projet de comité, qui était une demande politique, va être laissé plus ou moins à l'abandon, ce qui est un avantage et un inconvénient. Un avantage parce que c'est une demande politique, un inconvénient parce que personne ne va, aucun politique ne va demander compte à ce comité. Et ces travaux vont rester pendant plusieurs années complètement ou sinon inconnu. Il sera très difficile de se procurer les mémoires et aujourd'hui, à l'Institut de France, sont conservés les comptes rendus des réunions qui proposent des solutions dont certaines auraient pu être viables mais n'ont pas été assez prises en compte. Oui, et ça c'est comme le disait Briand quand il a instauré ce comité en 1917, il fallait entreprendre une série d'études en vue de déterminer, d'après les données de la géographie et les leçons de l'histoire, les bases du futur traité de paix, Ariane James-Sarrazin. Et à côté de ces comités d'experts, il faut bien voir que l'armée française elle-même, nous l'avons évoqué pour le front d'Orient, se démultiplie à travers toute cette Europe de l'Est, en essayant d'assumer des rôles tout à fait inédits, puisque au-delà même des interventions militaires, voilà, armée d'occupation, elle a aussi un rôle nouveau, humanitaire. Elle va également servir à essayer de mettre en œuvre les conclusions des traités. Elle va former aussi les armées des nouveaux États qui apparaissent, tels que les armées de la Tchécoslovaquie, mais aussi de la Roumanie ou du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Donc elle se démultiplie au-delà de ses frontières et dans des rôles tout à fait inédit. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que dans ces commissions de réflexion et ces commissions d'études, on avait mis à l'écart la plupart du temps les militaires, y compris les maréchaux qui voulaient proposer leurs propres solutions, avaient été écartés par le pouvoir politique et on avait décidé qu'il y aurait là des géographes, des anthropologues, des ethnologues, des historiens, etc. etc. Mais pas de militaire, Karine Lachèvre? Alors, il y avait un militaire. C'est peu, mais bon, il était quand même là, ce qui pouvait être un avantage parce qu'il avait accès aux cartes d'état-major sur lesquelles qui ont pu pouvoir servir de base à ces experts, mais ça ne va pas au-delà. Et d'autres militaires ont essayé d'avoir accès à ces mémoires pour essayer d'avoir plus d'informations, mais comme je le disais, ces mémoires étaient vraiment difficile à trouver durant cette période. Lors de la conférence de la paix, on parlait justement des revendications de frontières. Toutes les portes sont ouvertes. À ce moment-là, beaucoup de pays vont venir avec leurs revendications territoriales. Certaines, comme la revendication arménienne dont on présente la carte dans l'exposition, représente un territoire allant jusqu'à la mer Caspienne, qui est territoire énorme et qui, effectivement, revendications qui ne seront pas appliquées puisque le territoire arménien sera à peine plus grand que va se développer autour de Yerevan. Oui, et ce qui est très étonnant dans le catalogue en particulier de cette exposition, mais aussi dans l'exposition, c'est que vous avez, dans le catalogue, décidé de faire une section entière avec ces nouveaux États, avec chacun des spécialistes de ces nouveaux États. Alors, si je les énonce, et ça mérite pour les auditeurs d'avoir le nombre de ces nouveaux États, la Yougoslavie, l'Ukraine, l'Empire ottoman, Turquie, donc transformé en nouvel État, la Tchécoslovaquie, la Syrie, la Russie, URSS, la Roumanie, la Pologne, la Lituanie, le Liban, la Lettonie, la Hongrie, la Grèce, la Géorgie, l'État libre de Fiume, donc Rijeka, donc là où effectivement Gabriele D'Annunzio a tenté de faire un État indépendant, la Finlande, l'Estonie, Danzig, la ville libre de Danzig, la Bulgarie, la Biélorussie, l'Azerbaïdjan, l'Autriche, l'Arménie, l'Allemagne, l'Albanie, etc., etc. Là, je les ai tous cités, ça fait une vingtaine ou plus de 20 États qui naissent de cette configuration nouvelle des territoires. Et ça, c'est assez extraordinaire de se dire qu'il y a eu, pendant ces 3 ou 4 années d'après la Première Guerre mondiale, ce travail d'ingénierie territoriale, Ariane Jebsen. Alors, ingénierie territoriale, mais n'oublions pas que au-delà de l'ingénierie territoriale, tout ce laboratoire de la Nouvelle Europe connaît des soubresauts révolutionnaires et contre-révolutionnaires extrêmement importants qui vont faire mouvoir, bouger considérablement cette carte théorique imaginée par les comités d'experts. Et donc cette Europe, elle est le résultat bien sûr de toutes ces négociations, de ces espoirs parfois je dirais déçus des nationalités, mais également de ce qui se passe au plus près des territoires et qui est le résultat d'affrontements extrêmement violents. Oui, et il faut se souvenir que vous le rappelez dans ce livre qui accompagne l'exposition donc au musée de l'armée, Isaiah Bowman, qui était chef des questions territoriales de la délégation Wilson, disait que il avait découvert un nouvel instrument politique, le langage des cartes, qui a été inventé. Une carte vaut autant, dit-il, qu'une bonne affiche, mais étant une carte, elle prend une apparence respectable et authentique. Effectivement, elle est validée par des experts et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, ça n'est plus de la propagande. Enfin, c'est de la propagande, mais sous un autre nom, pourrait-on dire. C'est ce à quoi se heurte cette armée d'Orient et en particulier Franché-des-Prés quand il se retrouve à Constantinople, accueilli par une population anciennement ottomane, nouvellement turque, qui ne l'accueille pas très bien, pour y installer son quartier général, par exemple, et gouverner cet ancien ensemble territorial qu'était l'Empire ottoman, mais avec de nouveaux moyens et surtout une nouvelle vision stratégique, pourrait-on dire. Franché, il a deux problèmes. Il faut d'abord occuper un nombre très important de territoires avec des troupes de plus en plus réduites. Donc il fait un peu de l'essaimage de petits bataillons. Il faut aller vers de nouveaux territoires puisqu'il y a cette fameuse opération russe avec l'occupation de Sébastopol et d'Odessa. On lui demande d'aller sur la mer Noire. On lui demande de s'opposer au communisme. S'opposer au communisme. Ça, c'est nouveau et pas très bien accueilli par les soldats. Et puis il a le fameux bulletin de la mer Noire. Voilà, il a les querelles entre alliés parce que c'est clair que la politique française n'est pas la politique britannique et encore moins la politique italienne. Les Italiens ont beaucoup d'ambition. Les Britanniques voudraient ménager un certain nombre d'options. D'ailleurs, ils vont pas du tout soutenir l'opération française en Russie du Sud. Ils vont dire que ils n'envoient aucun soldat dans cette région. Et donc, ils se trouvent confrontés à un réseau assez inextricable de problèmes. Et c'est ces préoccupations qu'on essaye de montrer dans le film, notamment à propos du point qui devient central à partir de 1920, c'est-à-dire la question turque. Ah oui, qu'est-ce qui va se passer autour de la Turquie? Et on sait très bien que voilà, le traité de Sèvres, lui, ne va pas durer longtemps. Oui, parce qu'effectivement, un traité est signé théoriquement en 1920. Il va devoir être renégocié ensuite parce qu'on va laisser la bride sur le cou à l'idée d'une grande Grèce, Karine Lachèvre. Et puis, les Grecs vont y croire. Ils vont donc remettre le pied sur le territoire de l'Anatolie, commencer à conquérir ce territoire en espérant aller jusqu'à Ankara où le gouvernement s'est réfugié, le gouvernement turc s'est réfugié, quittant Constantinople occupé par les troupes internationales. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il tente une opération militaire qui va se retourner contre eux et qui va donc permettre à Mustafa Kemal Atatürk de récupérer une bonne partie de sa mise qu'il avait perdue dans le premier traité. Alors, c'est ce que les Grecs appellent la grande idée. Alors, la grande idée qui précède ce que les Grecs appellent la grande catastrophe, les galères catastrophiques. Exactement. Voilà. Donc, la grande idée, c'est d'aller donc reconquérir les territoires de la Grèce historique, pourrait-on dire, de l'Antiquité, donc sur cette partie de l'Anatolie. Et en revanche, effectivement, la grande catastrophe suivra. Finalement, le conflit avec la Turquie va tourner à l'avantage de l'armée de Mustafa Kemal et effectivement aboutir à cette grande catastrophe. En fait, durant cette période, après le traité de Sèvres, les Grecs espèrent agrandir leur territoire, les Arméniens espèrent construire une grande Arménie, les Kurdes également, les Assyro-Chaldéens, beaucoup espèrent, ont de grandes espérances pour un nouveau territoire. C'est la raison aussi pour laquelle ces derniers combattent auprès des troupes françaises. Et c'est pour ça qu'on y trouve dans cette exposition un magnifique fanion du bataillon Assyro-Chaldéen. J'ai découvert effectivement qu'il y avait un bataillon assyro-chaldéen. Il y a eu un bataillon assyro-chaldéen qui est magnifique, qui sort pour la première fois des réserves pour être présenté. On a aussi un drapeau de la Légion arménienne, voilà, qui montre vraiment tous ces jeux d'alliance pour obtenir, pour essayer de rendre réelles ces revendications territoriales. Finalement, les Turcs vainqueurs, le traité de Sèvres, qui n'avait jamais été ratifié, sera remplacé par le traité de Lausanne qui donnera naissance à une Turquie relativement grande par rapport à cet empire ottoman. Oui, c'est quand même assez extraordinaire parce que voilà des pays qui croient à cette idée de se gouverner soi-même telle qu'elle a été énoncée par Woodrow Wilson, qui se soulèvent, qui espèrent le soutien de tel ou tel. Et on peut dire que parfois, la France a manqué à ses obligations auprès de ses théoriques alliés. C'est ce que vous expliquez dans votre film Didier Sapo sur les oubliés de la victoire, ces soldats d'Orient. Effectivement, donc. Les Grecs, par exemple, n'ont pas été soutenus, enfin, ont été soutenus comme la corde soutient le pendu pendant un certain temps, puis ensuite, ils ont été un peu lâchés. Effectivement, il y a toujours des soldats d'Orient en Turquie après 1920, puisqu'ils vont rester. Très peu, mais ils vont rester jusqu'en 1923. Et on consacre effectivement une partie du film à cette histoire, qui est celle de la volte-face de la France, ou du réalisme français, ça dépend comment on veut le juger, qui consiste effectivement à renier en quelque sorte le traité de Sèvres qui avait été signé avec le sultan et à conclure un accord avec Mustapha Kemal qui va aboutir effectivement au fait que Mustapha Kemal va avoir les mains libres pour chasser les Grecs et on va aller vers le traité de Lausanne. Voilà. Alors ça va assez loin puisque en fait dès 1921 on livre des armes à Mustapha Kemal et donc effectivement c'est un peu la renonciation à tout ce qu'on avait pensé jusqu'à présent. Mm-hmm. Mais c'est du réalisme de toute façon. La révolte des Turcs était très forte. Ariane James. Le ressentiment finalement ou la déception grecque rejoint également côté cette fois-ci anglais, si j'ose dire, la déception des différents royaumes arabes qui vont se retrouver eux aussi. Le Hedjaz en particulier. Voilà, une certaine déception par rapport à ce que le Royaume-Uni avait promis à ces royaumes arabes par rapport à la chute de l'Empire ottoman. Oui, et ça, c'est effectivement, ça fait partie de la légende, pourrait-on dire, qui a été conservée jusqu'à nous par des grands films comme Lawrence d'Arabie, par exemple. Lawrence, not this. Go round. Damascus, Lawrence. Damascus. No prisoners. Lawrence. This was Talal's village. Talal! Talal! On n'a pas eu Didier Sapo de grands films à part Capitaine Conan comme les Anglais nous l'ont promis ou l'ont fait avec Lawrence d'Arabie pour nous raconter cette grande épopée dans les déserts du Levant en l'occurrence. Non, je ne crois pas, non, rien ne me vient à l'idée. On n'a pas su peut-être le mettre en récit, on n'a pas fait le storytelling de cette affaire-là. Il y a quelque chose de tout à fait remarquable aussi dans votre exposition qui peut passer un peu inaperçu si on ne s'y attarde pas, en l'occurrence, dans cette exposition à l'Est, La guerre sans fin. C'est le petit passage que vous avez consacré, et il y a un chapitre dans votre catalogue, Karine Lachèvre, à la question d'Albert Kahn. Parce que vous insistez beaucoup sur les géographes, les experts, qui ont entouré les décisions de redécoupage des cartes de l'Europe et du Levant. Mais il y a aussi tout ce travail préliminaire des archives de la planète. Est-ce que vous appelez, dans un des articles de ce catalogue, l'infra-diplomatie liée aux archives de la planète d'Albert Kahn, c'est-à-dire ce milliardaire qui lance ses opérateurs de cinématographie ou de photographie dans le monde entier pour récupérer les traditions qui sont en train de se perdre devant la modernité triomphante et qui sont aussi une partie du soft power français dans la région. Oui, alors on présente quelques-unes de reproductions photographiques, puisque les autochromes originaux étaient difficilement présentables cette fois-ci. C'est une mission qui va parcourir le monde et particulièrement les Balkans. Des millions de photographies sont prises de civils, puisque cette histoire-là, Laisse la guerre sans fin, ce n'est pas qu'une histoire de soldats, de militaires. Ce sont aussi tous ces civils qui vont être déplacés, qui vivent ces changements de frontières. Donc là, on parlait de la Turquie et de la Grèce. Avant même la signature du traité de Lausanne, ça va être plus d'un million de Grecs orthodoxes et de musulmans qui vont être déplacés selon un échange entre la Turquie et la Grèce. Ce qu'on appelle l'échange de population. Exactement. Chaque remodélisation de frontières entraîne des réfugiés. Les plébiscites qui vont avoir lieu vont donner lieu à chaque fois à des milliers de personnes qui vont se déplacer. On présente un document intéressant qui est très factuel. C'est une ferme Et les experts se posent la question, où mettons la frontière? Est-ce qu'on le met à droite ou à gauche de la frontière? Ça peut paraître anodin, mais pour la personne qui possède la ferme, c'est une importance qui est quasi vitale. Voilà, donc. Et donc, ces autochromes, donc, lancés, enfin, pris en image par toutes les équipes d'Albert Kahn, qui sont très nombreuses et qui sont d'ailleurs coordonnées en partie par un géographe, Jean Brune, vont participer à l'image que l'on se fait au moment d'être traité, par exemple, de ce que sont ces territoires, les gens qui y habitent et comment, d'une certaine façon, on se les imagine sans les jamais les avoir vus, en l'occurrence. Oui, alors ce sont des photographies très variées. Vous avez les légendes de ces photographies, les décrivent comme femmes tziganes, enfants musulmans. Voilà, donc ce sont une multitude de photographies qui peuvent être assez folkloriques d'une certaine manière. Et puis les noms des villes photographiées qu'on présente dans l'exposition montrent aussi toute la complexité du sujet. On a choisi de garder les légendes originales. Donc une ville qui se trouve en Serbie, en fait aujourd'hui se trouve en Macédoine. Et on voit vraiment cette imbrication territoriale et frontalière qui est assez compliquée. Oui, on a bien compris tout au long de cette émission combien cette guerre d'Orient avait pesé jusqu'à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle où nous nous trouvons sur les imaginaires, mais aussi sur la réalité quotidienne de tout un tas de populations, en particulier dans les Balkans. On peut imaginer effectivement qu'une partie de cette guerre s'est rejouée pendant la guerre des Balkans dans les années 1990. On ne peut que conseiller votre exposition à l'Est, la guerre sans fin, au musée de l'armée, donc avec ce très beau catalogue que vous avez conçu chez Gallimard. Et il faut vraiment saluer le travail que vous avez mené avec Cédric Grua, donc Didier Sapot, pour le film que l'on pourra voir sur France 3 à 22h30 mercredi, qui s'intitule « Les oubliés de la victoire, l'odyssée des soldats d'Orient ». On comprendra en images combien ces combats ont été importants, et avec des archives que vous avez récupérées de familles en particulier, qui sont lus par des comédiens et qui expliquent le ressenti, pourrait-on dire, de cet abandon ou de ce délaissement dont ont été victimes, c'est du moins comme ça qu'ils l'imaginent, les soldats d'Orient. Merci encore Didier Sapot, merci à vous Ariane Gelsarazin et merci Karine Lachèvre. Merci. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marseille. Bruno Gagnère-Fontanille était à la technique aujourd'hui et Thomas Duterre à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Fabrique FC, demain, nous continuons à parler de cette Première Guerre mondiale et de son ombre en nous intéressant au cas particulier de la ville de Reims, qui était un moment très important, un lieu très important, symbolique, pourrait-on dire, de la guerre franco-allemande. Nous recevrons Thomas Gettgens, qui est donc le spécialiste qui vient de publier chez Gallimard un livre sur l'incendie de la cathédrale de Reims. Mais nous aurons également avec nous Cheikh Sacko, qui travaille sur le monument qui va être inauguré demain par le président de la République, un monument aux tirailleurs sénégalais.